Cette musique résume ma vie, mes galères. Moi, je suis plus garde balai. J'ai connu les hauts, les bas. J'ai vendu, j'ai donné mon sang, mon âme, mon temps au quartier. Le temps passe et la rue garantit pas le bonheur. Je paye mes péchés sur terre. J'ai 40 ans, toute ma vie dans le stup, 13 condamnations, j'ai pas eu de jeunesse, mon histoire c'est réel. Regarde les creux de mes joues, mes veines, à 20 ans plein d'amis, jogging Lacoste, taquini, la vie devant moi je voulais. L'argent facile, je braquais deal, respecté dans tout check. Calibré, je livrais zipette, trop gentil béné. Moi j'étais plus épais, j'fais skip au cap et porc épi. Mais un matin, escarpe fleurie, les années passent. Je ressors avec l'envie de récupérer la ville. J'ai payé mes péchés sur terre, les mains sales. Mes idées noires reviennent le soir, gendarmane. Mon vécu reste légendaire, soldat sans grâce. Grandis sans repère la rue, m'a mis la bosse. J'ai mis les volets mais rien n'est arrivé. Le temps passe, je suis un grand dans mon sablier. 40 ans, la rue reste mon allié. Marié, marié, marié. À la street, à la rue, moi je suis marié. À la street, à la rue, moi je suis marié. Au bitume comme au bloc, moi je suis marié. Au terre-terre, j'ai marié. Vas-y, pète du sale prix, point pour moi si j'ai compté 100 000 en petite liasse. 9h du matin, un flic H, héroïne, ouais, j'étais horrible, vraiment une vie, tiens de la casse. J'ai donné mon âme, mon sang à la ruelle. Petit col, les cheveux qui tombent, j'ai honte, il manque plus que les plombs funèbres. J'suis honnête si j'te consacre, claque pas ton oseille investi. Et dis-toi que le bon Dieu nous surveille ici. J'ai payé mes péchés sur terre. Les mains sales, mes idées noires reviennent le soir, gendarmane. Mon vécu reste légendaire, soldat sans grâce. Grandis sans repère la rue, m'a mis la bosse. J'ai mis les volets mais rien n'est arrivé. Le temps passe, je suis un grand dans mon sablier. 40 ans la rue reste mon allié. Marié, marié, marié. À la street, à la rue, moi je suis marié. À la street, à la rue, moi je suis marié. Au bitume comme au bloc, moi je suis marié. Au terre-terre, je suis marié. Grandissant, repère la rue.